Tony, ça m'étonnerait. Le petit pinson dans le buisson, le petit pinson dans le buisson. Écoutez, écoutez, chantez ma chanson, la porte était ouverte. Il m'écoutait chanter dans le buisson, le petit pinson. Le petit pinson, il m'écoutait chanter. Chanter, chanter ma chanson, le petit pinson. Il demandait où est-ce que j'avais appris à chanter comme ça, le petit pinson. Il tendait l'oreille, le petit pinson dans le buisson. Il se demandait comment.